prise par le roi et demande la liberté. Mais Pharaon serre encore plus les chaînes. La paille disparaît, le travail augmente et le peuple ploie sous la peine. Les cœurs se retournent contre Moïse, la délivrance semble reculer. Et celui qui portait l'espérance se retrouve accusé. Parfois l'obéissance semblera d'abord aggraver la nuit. Même quand la porte se ferme, tu n'as pas renoncé à ouvrir. Même quand l'oppression grandit, ta main commence déjà à agir. Même quand la porte se ferme et que le peuple doute de toi, ta promesse travaille dans l'ombre, bien au-delà de ce que l'on voit. Moïse crie sa fatigue devant toi, tu réaffirmes ton nom fidèle et tu déclares que la délivrance ne viendra ni trop tôt, ni trop tard pour elle. Même quand la porte se ferme, tu n'as pas renoncé à ouvrir. Même quand l'oppression grandit, ta main commence déjà à agir. Même quand la porte se ferme et que le peuple toi, ta promesse travaille dans l'ombre, bien au-delà de ce que l'on voit. Même quand la porte se ferme, même quand la porte se ferme, même quand la porte se ferme. Ton silence prépare toujours ton action.